show business, se déplace un peu partout. Les soirées de Paname, appelle-moi le mec qui gère à Paname All Star. Ok, ce soir j'ai le projet de sortir. Ce soir je vais sortir, je vais arroser au champagne, au JB, les stars de la télé. Les strobos sont allumés, fais tourner ton calumet. Les strobos sont allumés, fais tourner ton calumet. Sur ce son, faut tout donner, fais tourner dans ton poirie. Les strobos sont allumés, fais tourner ton calumet. Fais tourner, j'ai bien compris, fais tourner, c'est la story. Fais tourner, j'ai dit que si, fais tourner dans ton poirie. C'est sur ce son-là qu'on a commencé à percer dans le milieu du hip-hop français. Québécois, belges, canadiens. On est là, les souverains, les empereurs. On remet les compteurs à zéro. Je t'explique le topo. JB Master Blaze et le frérot. En direct dans les studios, on vient tout donner. On vient réveiller les gars qui sont endormis. Car ce soir, c'est la partie. Faut que tu bouges, bouge ton corps. Faut que tu bouges sur le dance floor. Faut que tu bouges, bouge encore. Faut que tu bouges, faut que tu bouges. Fais tourner, j'ai bien compris, fais tourner, c'est la story. Fais tourner, j'ai dit que si, fais tourner dans ton poirie. Les strobos sont allumés, fais tourner ton calumet. Les strobos sont allumés, fais tourner ton calumet. Sur ce son, faut tout donner, fais tourner dans ton poirie. Les strobos sont allumés, fais tourner ton calumet. Francisco! Yo! For more instrumentals, visit TrixMusic.com.